versus Mr. Ed, Talking Horse. Yes, Nitro Game is my life. Any ideas? Ha He's a favorite singer of the song. Ding dong, bitte nicht so wie ich so in der Schuss. bang bong, ding dang dong, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche. Hein. Maintenant, Elliot, il est l'heure de dormir. Prends ton doudou ou suce ton pouce. Allez, sois gentil. Ça pour faire du fric, Fais dodo, voilà mon petit frère. Fais dodo, t'auras du loulou. Fais dodo, voilà mon petit frère. Fais dodo, t'auras du loulou. Maman est dodo, qui fait du gâteau. Chocolat, fais dodo. Il faut dormir. Si tu dors pas, demain tu seras fatigué. Allez, maman va te chanter une petite chanson. Écoute. Fais dodo, coule à mon petit frère. Fais dodo, t'auras une bonne journée. Je suis ton père, Luke. I'm your father. Jeune Skywalker, la force est avec toi. Viens du côté obscur. Avec moi. I am... I'm your father. I'm your father. Je suis ton père. Avec you? Avec moi? Attention. Avec myself. Bienvenue en enfer. I'm Daka. Avec moi ou avec tes chers. Je suis ton père. Juliette a fait Roméo. Napoléon son chapeau. Henri IV un cheval blanc. Dracula ses dents. La Bretagne a ses menhirs. La Joconde a son sourire. Jeanne d'Arc a des boutons. Et moi j'ai de la barbe au menton. La maison des courants d'air, la feuille à l'envers, Samson aimait Dalila. Quelque part Guatemala, Beaucis aimait Philémon, et moi j'aime la barbe au menton. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a. Si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la quéquette qui colle. J'ai les arpions qui fouettent, et des morpions plein les roupettes, des pellicules sur le crâne, comme tous les gars de la campagne. Si tu me suis au presbytère, je te déballerai toutes mes affaires. Et si tu veux que je te monte mon cul, allons nager aux rues. Faisons la ronde jolie Juliette, danse avec moi la gigolette. J'ai les arpions qui fouettent, j'ai le claque-merde qui refoule, et du pelage dans les esgourdes, des bubons sur les boules, l'arrière-cour qui fleure la palourde. Allons butiner la fleurette, tu m'épouilleras de mes bébêtes. Et si c'est propre et si c'est net, je te ferai la brouette. Chante avec moi la pêche au moule, j'ai le claque-merde qui refoule. J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font les bons. J'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Est à la défense. Mmh. Platine. Deine Drums mal richtig auf, Martin. Mach mal richtig Dampf. Jetzt nicht einschlafen, Martin. We'll be right back. Thank you.